Le passé, c'était l'extraordinaire histoire du christianisme primitif, de la lente évolution qui avait fait de ce christianisme le catholicisme actuel. Il démontrait que sous toute évolution religieuse se cache une question économique, et qu'en somme, l'éternel mal, l'éternelle lutte, n'a jamais été qu'entre le pauvre et le riche. Chez les Juifs, immédiatement après la vie nomade, lorsqu'ils ont conquis Chanaan et que la propriété se crée, la lutte des classes éclate. Il y a des riches et il y a des pauvres. Dès lors, naît la question sociale. La transition avait été brusque. L'état de choses nouveau empira si rapidement que les pauvres, se rappelant encore l'âge d'or de la vie nomade, souffrirent et réclamèrent avec d'autant plus de violence. Jusqu'à Jésus, les prophètes ne sont que des révoltés, qui surgissent de la misère du peuple, qui disent ses souffrances, accablent les riches, auxquels ils prophétisent tous les maux, en punition de leur injustice et de leur dureté. Jésus lui-même n'est que le dernier d'eux, et il apparaît comme la revendication vivante du droit des pauvres. Les prophètes, socialistes et anarchistes, avaient prêché l'égalité sociale en demandant la destruction du monde s'il n'était point juste. Lui apporte également aux misérables la haine du riche. Tout son enseignement est une menace contre la richesse, contre la propriété. Et si l'on entendait par le royaume des cieux qu'il promettait la paix et la fraternité sur cette terre, il n'y aurait plus là qu'un retour à l'âge d'or de la vie pastorale, que le rêve de la communauté chrétienne, tel qu'il semble avoir été réalisé après lui par ses disciples. Pendant les trois premiers siècles, chaque église a été un essai de communisme, une véritable association dont les membres possédaient tout en commun, hors les femmes. Les apologistes et les premiers pères de l'église en font foi. Le christianisme n'était alors que la religion des humbles et des pauvres, une démocratie, un socialisme en lutte contre la société romaine. Et quand celle-ci s'écroula, pourrie par l'argent, elle succomba sous l'agio, les banques véreuses, les désastres financiers, plus encore que sous le flot des barbares et le sourd travail de termite des chrétiens. La question d'argent est toujours à la base. Aussi en eut-on une nouvelle preuve lorsque le christianisme, triomphant enfin, grâce aux conditions historiques, sociales et humaines, fut déclaré religion d'État. Pour assurer complètement sa victoire, il se trouva forcé de se mettre avec les riches et les puissants. Et il faut voir par quelle subtilité, quel sophisme, les pères de l'Église en arrivent à découvrir dans l'Évangile de Jésus la défense de la propriété. Il y avait là pour le christianisme une nécessité politique de vie. Il n'est devenu qu'à ce prix le catholicisme l'universelle religion. Dès lors, la redoutable machine s'érige, l'arme de conquête et de gouvernement. En haut, les puissants, les riches, qui ont le devoir de partager avec les pauvres, mais qui n'en font rien. En bas, les pauvres, les travailleurs, à qui l'on enseigne la résignation et l'obéissance, en leur réservant le royaume futur, la compensation divine et éternelle. Monument admirable qui a duré des siècles, où tout est bâti sur la promesse de l'au-delà, sur cette soif inextinguible d'immortalité et de justice dont l'homme est dévoré. Cette première partie de son livre, cette histoire du passé, Pierre l'avait complétée par une étude à grands traits du catholicisme jusqu'à nos jours. C'était d'abord Saint-Pierre, ignorant, inquiet, tombant à Rome par un coup de génie, venant réaliser les oracles antiques qui avaient prédit l'éternité du Capitole. Puis, c'était les premiers papes, de simples chefs d'associations funéraires. C'était le lent avènement de la papauté toute puissante, en continuelle lutte de conquête dans le monde entier, s'efforçant sans relâche de satisfaire son rêve de domination universelle. Au Moyen Âge, avec les grands papes, elle crut un instant toucher au but, être la maîtresse souveraine des peuples. La vérité absolue, ne serait-ce pas le pape pontife et roi de la terre, régnant sur les âmes et sur les corps de tous les hommes, comme Dieu lui-même dont il est le représentant? Cette ambition totale et démesurée d'une logique parfaite a été remplie par Auguste, empereur et pontife, maître du monde, et renaissant toujours des ruines de la Rome antique. C'est la figure glorieuse d'Auguste qui a hanté les papes, c'est le sang d'Auguste qui a battu dans leurs veines. Mais le pouvoir s'étant dédoublé après l'effondrement de l'Empire romain, il fallut partager. Laisser à l'empereur le gouvernement temporel, en ne gardant sur lui que le droit de le sacrer par délégation divine. Le peuple était à Dieu, le pape donnait le peuple à l'empereur au nom de Dieu, et pouvait le reprendre, pouvoir sans limite dont l'excommunication était l'arme terrible. Souveraineté supérieure qui acheminait la papauté à la possession réelle et définitive de l'empire. En somme, entre le pape et l'empereur, l'éternelle querelle a été le peuple qu'ils se disputaient, la masse inerte des humbles et des souffrants, le grand muet, dont de sourds grondements disaient seuls parfois l'inguérissable misère. On disposait de lui comme d'un enfant, pour son bien. Et l'Église aidait vraiment à la civilisation, rendait des services à l'humanité, répandait d'abondantes aumônes. Toujours, le rêve ancien de la communauté chrétienne revenait, au moins dans les couvents. Un tiers des richesses amassées pour le culte, un tiers pour les prêtres, un tiers pour les pauvres. N'était-ce pas la vie simplifiée? L'existence rendue possible aux fidèles sans désir terrestre, en attendant les satisfactions inouïes du ciel? Donnez-nous donc la terre entière, nous ferons ainsi trois parts des biens d'ici-bas, et vous verrez quel âge d'or régnera au milieu de la résignation et de l'obéissance de tous. Mais Pierre montrait ensuite la papauté assaillie par les plus grands dangers, au sortir de sa toute puissance du Moyen-Âge. La Renaissance faillit l'emporter dans son luxe et son débordement, dans le bouillonnement de sève vivante jaillie de l'éternelle nature méprisée, laissée pour morte pendant des siècles. Plus menaçants encore étaient les sourds réveils du peuple, du grand muet, dont la langue semblait commencer à se délier. La réforme avait éclaté comme une protestation de la raison et de la justice, un rappel aux vérités méconnues de l'Évangile. Et il fallut, pour sauver Rome d'une disparition totale, la rude défense de l'Inquisition, le lent et obstiné labeur du Concile de Trente qui raffermit le dogme et assura le pouvoir temporel. Ce fut alors l'entrée de la papauté dans deux siècles de paix et d'effacement, car les solides monarchies absolues qui s'étaient partagées l'Europe pouvaient se passer d'elles, ne tremblaient plus devant les foudres de l'excommunication devenues innocentes, n'acceptaient plus le pape que comme un maître de cérémonie chargé de certains rites. Un déséquilibrement s'était produit dans la possession du peuple. Si les rois tenaient toujours le peuple de Dieu, le pape devait seulement enregistrer la donation une fois pour toutes, sans avoir à intervenir, quelle que fût l'occasion, dans le gouvernement des États. Jamais Rome n'a été moins près de réaliser son rêve séculaire de domination universelle. Et quand la Révolution française éclata, on put croire que la proclamation des droits de l'homme allait tuer la papauté, dépositaire du droit divin que Dieu lui avait délégué sur les nations. Aussi, quelle inquiétude première, quelle colère, quelle défense désespérée au Vatican contre l'idée de liberté, contre ce nouveau credo de la raison libérée et de l'humanité rentrant en possession d'elle-même. C'était le dénouement apparent de la longue lutte entre empereur et le pape, pour la possession du peuple. L'empereur disparaissait, et le peuple, libre désormais de disposer de lui, prétendait échapper au pape. Solution imprévue, où paraissait devoir crouler tout l'antique échafaudage du catholicisme. Pierre terminait ici la première partie de son livre, par un rappel du christianisme primitif en face du catholicisme actuel, qui est le triomphe des riches et des puissants. Cette société romaine que Jésus était venu détruire, au nom des pauvres et des humbles, la Rome catholique, ne l'a-t-elle pas rebâtie à travers les siècles dans son œuvre politique d'argent et d'orgueil? Et quelle triste ironie quand on constatait qu'après 1800 ans d'évangile, le monde s'effondrait de nouveau dans l'agio, les banques véreuses, les désastres financiers, dans cette effroyable injustice de quelques hommes gorgés de richesses, parmi les milliers de leurs frères qui crevaient de faim. Tout le salut des misérables était à recommencer. Mais ces choses terribles, Pierre les disait en des pages si adoucies de charité, si noyées d'espérance, qu'elles y avaient perdu leur danger révolutionnaire. D'ailleurs, nulle part il n'attaquait le dogme. Son livre n'était que le cri d'un apôtre en sa forme sentimentale de poème où brûlait l'unique amour du prochain. Ensuite venait la seconde partie de l'œuvre, le présent, l'étude de la société catholique actuelle. Là, Pierre avait fait une peinture affreuse de la misère des pauvres, de cette misère d'une grande ville qu'il connaissait, dont il saignait pour en avoir touché les plaies empoisonnées. L'injustice ne se pouvait plus tolérer. La charité devenait impuissante, la souffrance était si épouvantable que tout espoir se mourait au cœur du peuple. Ce qui avait contribué à tuer la foi en lui, n'était-ce pas le spectacle monstrueux de la chrétienté, dont les abominations le corrompaient, l'affolaient de haine et de vengeance? Et tout de suite, après ce tableau d'une civilisation pourrie, en train de crouler, il reprenait l'histoire à la Révolution française, à l'immense espérance que l'idée de liberté avait apportée au monde. En arrivant au pouvoir, la bourgeoisie, le grand parti libéral, s'était chargée de faire enfin le bonheur de tous. Mais le pis est que la liberté, décidément, après un siècle d'expérience, ne semble pas avoir donné aux déshérités plus de bonheur. Dans le domaine politique, une désillusion commence. En tout cas, si le troisième État se déclare satisfait depuis qu'il règne, le quatrième État, les travailleurs, souffrent toujours et continuent à réclamer leur part. On les a proclamés libres, on leur a octroyé l'égalité politique, et ce ne sont en somme que des cadeaux dérisoires, car ils n'ont, comme jadis, sous leur servitude économique, que la liberté de mourir de faim. Toutes les revendications socialistes sont nées de là. Le problème terrifiant, dont la solution menace d'emporter la société actuelle, s'est posé dès lors entre le travail et le capital. Quand l'esclavage a disparu du monde antique pour faire place au salariat, la révolution fut immense, et certainement l'idée chrétienne était un des facteurs puissants qui ont détruit l'esclavage. Aujourd'hui, qu'il s'agit de remplacer le salariat par autre chose, peut-être par la participation de l'ouvrier aux bénéfices, pourquoi donc le christianisme ne tenterait-il pas d'avoir une action nouvelle? Cet avènement prochain et fatal de la démocratie, c'est une autre phase de l'histoire humaine qui s'ouvre. C'est la société de demain qui se crée. Et Rome ne pouvait se désintéresser. La papauté allait avoir à prendre parti dans la querelle si elle ne voulait pas disparaître du monde, comme un rouage devenu décidément inutile. De là naissait la légitimité du socialisme catholique. Lorsque, de toutes parts, les sectes socialistes se disputaient le bonheur du peuple à coups de solutions, l'Église devait apporter la sienne. Et c'était ici que la Rome nouvelle apparaissait et que l'évolution s'élargissait dans un renouveau d'espérance illimitée. Évidemment, l'Église catholique n'avait rien, en son principe, de contraire à une démocratie. Il lui suffirait même de reprendre la tradition évangélique, de redevenir l'Église des humbles et des pauvres, le jour où elle rétablirait l'universelle communauté chrétienne. Elle est d'essence démocratique, et si elle s'est mise avec les riches, avec les puissants, lorsque le christianisme est devenu le catholicisme, elle n'a fait qu'obéir à la nécessité de se défendre pour vivre, en sacrifiant de sa pureté première. De sorte qu'aujourd'hui, si elle abandonnait les classes dirigeantes condamnées pour retourner au petit peuple des misérables, elle se rapprocherait simplement du Christ, elle se rajeunirait, se purifierait des compromissions politiques qu'elle a dû subir. En tout temps, l'Église, sans renoncer en rien à son absolu, a su plier devant les circonstances. Elle réserve sa souveraineté totale, elle tolère simplement ce qu'elle ne peut empêcher. Elle attend avec patience, même pendant des siècles, la minute où elle redeviendra la maîtresse du monde. Et cette fois, la minute n'allait-elle pas sonner dans la crise qui se préparait? De nouveau, toutes les puissances se disputent la possession du peuple. Depuis que la liberté et l'instruction ont fait de lui une force, un être de conscience et de volonté réclamant sa part, tous les gouvernants veulent le gagner, régner par lui, et même avec lui, s'il le faut. Le socialisme, voilà l'avenir, le nouvel instrument de règne. Et tous font du socialisme, les rois ébranlés sur leur trône, les chefs bourgeois des républiques inquiètes, les meneurs ambitieux qui rêvent du pouvoir. Tous sont d'accord que l'État capitaliste est un retour au monde païen, au marché d'esclaves. Tous parlent de briser l'atroce loi de fer, le travail devenu une marchandise soumise aux lois de l'offre et de la demande, le salaire calculé sur le strict nécessaire dont l'ouvrier a besoin pour ne pas mourir de faim. En bas, les maux grandissent, les travailleurs agonisent de famine et d'exaspération. Pendant qu'au-dessus de leur tête, les discussions continuent, les systèmes se croisent, les bonnes volontés s'épuisent à tenter des remèdes impuissants. C'est le piétinement sur place, l'effarement affolé des grandes catastrophes prochaines. Et parmi les autres, le socialisme catholique, aussi ardent que le socialisme révolutionnaire, est entré à son tour dans la bataille en tâchant de vaincre. Alors, toute une étude suivait des longs efforts du socialisme catholique dans la chrétienté entière. Ce qui frappait surtout, c'était que la lutte devenait plus vive et plus victorieuse dès qu'elle se livrait sur une terre de propagande, encore non conquise complètement au christianisme. Par exemple, dans les nations où celui-ci se trouvait en présence du protestantisme, les prêtres luttaient pour la vie avec une passion extraordinaire, disputaient aux pasteurs la possession du peuple à coups de hardiesse, de théories audacieusement démocratiques. En Allemagne, la terre classique du socialisme, Monseigneur Ketteler parla un des premiers de frapper les riches de contributions, créa plus tard une vaste agitation que tout le clergé dirige aujourd'hui, grâce à des associations et à des journaux nombreux. En Suisse, Monseigneur Mermillot plaida si haut la cause des pauvres que les évêques, maintenant, y font presque cause commune avec les socialistes démocrates, qu'ils espèrent convertir sans doute au jour du partage. En Angleterre, où le socialisme pénètre avec tant de lenteur, le cardinal Manning remporta des victoires considérables, prit la défense des ouvriers pendant une grève fameuse, détermina un mouvement populaire que signalèrent de fréquentes conversions. Mais ce fut surtout en Amérique, aux États-Unis, que le socialisme catholique triompha, dans ce milieu de pleine démocratie, qui a forcé des évêques tels que Mgr Harland à se mettre à la tête des revendications ouvrières. Toute une église nouvelle semble là en germe, confuse encore et débordante de sève, soulevée d'un espoir immense, comme à l'aurore du christianisme rajeuni de demain. Et si l'on passe ensuite à l'Autriche et à la Belgique, nation catholique, on voit que chez la première, le socialisme catholique se confond avec l'antisémitisme, et que chez la seconde, il n'a aucun sens précis, tandis que le mouvement s'arrête et même disparaît, dès qu'on descend à l'Espagne et à l'Italie, ces vieilles terres de foi. L'Espagne, tout aux violences des révolutionnaires, avec ses évêques têtus qui se contentent de foudroyer les incroyants, comme au jour de l'Inquisition. L'Italie, immobilisée dans la tradition, sans initiative possible, réduite au silence et au respect autour du Saint-Siège. En France, pourtant, la lutte restait vive, mais surtout une lutte d'idées. La guerre, en somme, s'y menait contre la Révolution, et il semblait qu'il eût été subtil de rétablir l'ancienne organisation des temps monarchiques pour retourner à l'âge d'or. C'était ainsi que la question des corporations ouvrières était devenue l'affaire unique, comme la panacée à tous les maux des travailleurs. Mais on était loin de s'entendre. Les uns, les catholiques, qui repoussaient l'ingérence de l'État, qui préconisait une action purement morale, voulait les corporations libres. Tandis que les autres, les jeunes, les impatients, résolus à l'action, les demandaient obligatoires, avec capital propre, reconnu et protégé par l'État. Le vicomte Philibert de la Choue avait particulièrement mené une ardente campagne, par la parole, par la plume, en faveur de ces corporations obligatoires. Et son grand chagrin était de n'avoir pu encore décider le pape à se prononcer ouvertement sur le cas de savoir si les corporations devaient être ouvertes ou fermées. À l'entendre, le sort de la société était là, la solution paisible de la question sociale ou l'effroyable catastrophe qui devait tout emporter. Au fond, bien qu'il refusât de l'avouer, le vicomte avait fini par en venir au socialisme d'État. Et malgré le manque d'accord, l'agitation restait grande. Des tentatives peu heureuses étaient faites, des sociétés coopératives de consommation, des sociétés d'habitation ouvrière, des banques populaires, des retours plus ou moins déguisés aux anciennes communautés chrétiennes. Pendant que, de jour en jour, au milieu de la confusion de l'heure présente, dans le trouble des âmes et dans les difficultés politiques que traversait le pays, le parti catholique militant sentait son espérance grandir jusqu'à la certitude aveugle de reconquérir bientôt le gouvernement du monde. Justement, la deuxième partie du livre finissait par un tableau du malaise intellectuel et moral où se débat cette fin de siècle. Si la masse des travailleurs souffre d'être mal partagée et exige que dans un nouveau partage on lui assure au moins son pain quotidien, il semble que l'élite n'est pas plus contente, se plaignant du vide où la laisse sa raison libérée, son intelligence élargie. C'est la fameuse banqueroute du rationalisme, du positivisme et de la science elle-même. Les esprits que dévore le besoin de l'absolu se lassent des tâtonnements, des lenteurs de cette science qui admet les seules vérités prouvées. Ils sont repris de l'angoisse du mystère. Il leur faut une synthèse totale et immédiate pour pouvoir dormir en paix. Et, brisés, ils retombent à genoux sur la route et perdus à la pensée qu'ils ne sauront jamais tout, préférant Dieu, l'inconnu révélé, affirmé en un acte de foi. Aujourd'hui encore, en effet, la science ne calme ni notre soif de justice, ni notre désir de sécurité, ni l'idée séculaire que nous nous faisons du bonheur, dans la survie, dans une éternité de jouissance. Elle n'en est qu'à épeler le monde. Elle n'apporte pour chacun que la solidarité austère du devoir de vivre, d'être un simple facteur du travail universel. Et comme l'on comprend la révolte des cœurs, le regret de ce ciel chrétien, peuplé de beaux anges, plein de lumière, de musiques et de parfums. Ah, baiser ces morts, se dire qu'on les retrouvera, qu'on revivra avec eux une immortalité glorieuse, et avoir cette certitude de souveraine équité pour supporter l'abomination de l'existence terrestre. Et tuer ainsi l'affreuse pensée du néant, et échapper à l'horreur de la disparition du moi, et se tranquilliser enfin dans l'inébranlable croyance qui remet au lendemain de la mort la solution heureuse de tous les problèmes de la destinée. Ce rêve, les peuples le rêveront longtemps encore. C'est ce qui explique comment, à cette fin de siècle, par suite du surmenage des esprits, par suite également du trouble profond où est l'humanité, grosse d'un monde prochain, le sentiment religieux s'est réveillé, inquiet, tourmenté d'idéal et d'infini, exigeant une loi morale et l'assurance d'une justice supérieure. Les religions peuvent disparaître, le sentiment religieux en créera de nouvelles, même avec la science. Une religion nouvelle. Et n'était-ce pas le vieux catholicisme qui, dans cette terre contemporaine où tout semblait devoir favoriser ce miracle, allait renaître, jeter des rameaux verts, s'épanouir en une toute jeune et immense floraison? Enfin, dans la troisième partie de son livre, Pierre avait dit en phrases enflammées d'apôtre ce qu'allait être l'avenir. Ce catholicisme rajeuni, apportant aux nations agonisantes la santé et la paix, l'âge d'or oublié du catholicisme primitif. Et d'abord, il débutait par un portrait attendri et glorieux de Léon XIII, le pape idéal, le prédestiné chargé du salut des peuples. Il l'avait évoqué, il l'avait vu ainsi, dans son désir brûlant de la venue d'un pasteur qui mettait fin à la misère. Ce n'était pas un portrait d'étroite ressemblance, mais le sauveur nécessaire, l'inépuisable charité, le cœur et l'intelligence large, tels qu'il les rêvait. Pourtant, il avait fouillé les documents, étudié les encycliques, basé la figure sur les faits. L'éducation religieuse à Rome, la courte nonciature à Bruxelles, le long épiscopat à Pérouse. Dès que Louis XIII est pape, dans la difficile situation laissée par Pie IX, se révèle la dualité de sa nature, le gardien inébranlable du dogme, la politique souple, résolue à pousser la conciliation aussi loin qu'il le pourra. Nettement, il rompt avec la philosophie moderne. Il remonte par-delà la Renaissance au Moyen-Âge. Il restaure dans les écoles catholiques la philosophie chrétienne, selon l'esprit de saint Thomas d'Aquin, le docteur angélique. Puis, le dogme mis de la sorte à l'abri, il vit d'équilibre, donne des gages à toutes les puissances, s'efforce d'utiliser toutes les occasions. On le voit d'une activité extraordinaire réconcilier le Saint-Siège avec l'Allemagne, se rapprocher de la Russie, contenter la Suisse, souhaiter l'amitié de l'Angleterre, écrire à l'empereur de la Chine pour lui demander de protéger les missionnaires et les chrétiens de son empire. Plus tard, il interviendra en France, reconnaîtra la légitimité de la République. Dès le début, une pensée se dégage, la pensée qui fera de lui un des grands papes politiques. Et c'est d'ailleurs la pensée séculaire de la papauté, la conquête de toutes les âmes, Rome, centre et maîtresse du monde. Il n'a qu'une volonté, qu'un but, travailler à l'unité de l'Église, ramener à elle les communions dissidentes, pour la rendre invincible dans la lutte sociale qui se prépare. En Russie, il tâche de faire reconnaître l'autorité morale du Vatican. En Angleterre, il rêve de désarmer l'Église anglicane, de l'amener à une sorte de trêve fraternelle. Mais en Orient surtout, il convoite un accord avec les églises schismatiques, qu'il traite en simples sœurs séparées, dont son cœur de père sollicite le retour. De quelle force victorieuse Rome ne disposerait-elle pas le jour où elle régnerait sans conteste sur les chrétiens de la terre entière? Et c'est ici qu'apparaît l'idée sociale de Léon XIII. Encore évêque de Pérouse, il avait écrit une lettre pastorale où se montrait un vague socialisme humanitaire. Puis, dès qu'il a coiffé la tiare, il change d'opinion, foudroie les révolutionnaires dont l'audace alors terrifiait l'Italie. Tout de suite, d'ailleurs, il se reprend, averti par les faits, comprenant le danger mortel de laisser le socialisme aux mains des ennemis du catholicisme. Il écoute les évêques populaires des pays de propagande, cesse d'intervenir dans la querelle irlandaise, retire l'excommunication dont il avait frappé aux États-Unis les chevaliers du travail, défend de mettre à l'index les livres hardis des écrivains catholiques socialistes. Cette évolution vers la démocratie se retrouve dans ses plus fameuses encycliques. Immortale Dei, sur la constitution des États, Libertas, sur la liberté humaine, Sapientiae, sur les devoirs des citoyens chrétiens, Rerum Novarum, sur la condition des ouvriers, et c'est particulièrement cette dernière qui semble avoir rajeuni l'Église. Le pape y constate la misère imméritée des travailleurs, les heures de travail trop longues, le salaire trop réduit. Tout homme a le droit de vivre et le contrat extorqué par la faim est injuste. Ailleurs, il déclare qu'on ne doit pas abandonner l'ouvrier sans défense à une exploitation qui transforme en fortune pour quelques-uns la misère du plus grand nombre. Forcé de rester vague sur les questions d'organisation, il se borne à encourager le mouvement corporatif qu'il place sous le patronage de l'État. Et après avoir ainsi restauré l'idée de l'autorité civile, il remet Dieu en sa place souveraine. Il voit surtout le salut par des mesures morales, par l'antique respect dû à la famille et à la propriété. Mais cette main secourable de l'auguste vicaire du Christ, tendue publiquement aux humbles et aux pauvres, n'était-ce pas le signe certain d'une nouvelle alliance, l'annonce d'un nouveau règne de Jésus sur la terre? Désormais, le peuple savait qu'il n'était pas abandonné. Et dès lors, dans quelle gloire était monté Léon XIII, dont le jubilé sacerdotal et le jubilé épiscopal avaient été fêtés pompeusement parmi le concours d'une foule immense, des cadeaux sans nombre, des lettres flatteuses envoyées par tous les souverains. Ensuite, Pierre avait traité la question du pouvoir temporel, ce qu'il croyait devoir faire librement. Sans doute, il n'ignorait pas que, dans sa querelle avec l'Italie, le pape maintenait aussi obstinément qu'au premier jour ses droits sur Rome. Mais il s'imaginait qu'il y avait là une simple attitude nécessaire, imposée par des raisons politiques et qui disparaîtrait quand sonnerait l'heure. Lui était convaincu que si jamais le pape n'avait paru plus grand, il devait à la perte du pouvoir temporel cet élargissement de son autorité, cette splendeur pure de toute puissance morale où il rayonnait. Quelle longue histoire de fautes et de conflits que celle de la possession de ce petit royaume de Rome depuis 15 siècles. Au IVe siècle, Constantin a quitté Rome. Il ne reste au calotin vide que quelques fonctionnaires oubliés. Et le pape, naturellement, s'empare du pouvoir. La vie de la cité passe au latran. Mais ce n'est que 4 siècles plus tard que Charlemagne reconnaît les faits accomplis, en donnant formellement au pape les états de l'Église. La guerre, dès lors, n'a plus cessé entre la puissance spirituelle et les puissances temporelles, souvent latentes, parfois aiguës, dans le sang et dans les flammes. Aujourd'hui, n'est-il pas déraisonnable de rêver, au milieu de l'Europe en armes, la papauté reine d'un lambeau de territoire, où elle serait exposée à toutes les vexations, où elle ne pourrait être maintenue que par une armée étrangère? Que deviendrait-elle dans le massacre général qu'on redoute? Et combien elle est plus à l'abri, plus digne, plus haute, dégagée de tout souci terrestre, régnant sur le monde des âmes. Au premier temps de l'Église, la papauté, de locale, de purement romaine, s'est peu à peu catholicisée, universalisée, conquérant son empire sur la chrétienté entière. De même, le sacré collège, qui a continué d'abord le Sénat romain, s'est internationalisé ensuite, a fini de nos jours par être la plus universelle de nos assemblées, dans laquelle siègent des membres de toutes les nations. Et n'est-il pas évident que le pape, appuyé ainsi sur les cardinaux, est devenu la seule et grande autorité internationale, d'autant plus puissante qu'elle est libérée des intérêts monarchiques, et qu'elle parle au nom de l'humanité, par-dessus même la notion de patrie. La solution tant cherchée au milieu de si longues guerres est sûrement là. Où donner la royauté temporelle du monde au pape, ou ne lui en laisser que la royauté spirituelle? Représentant de Dieu, souverain absolu et infaillible par délégation divine, il ne peut que rester dans le sanctuaire, si, déjà maître des âmes, il n'est pas reconnu par tous les peuples comme l'unique maître des corps, le roi des rois. Mais quelle étrange aventure que cette poussée nouvelle de la papauté dans le champ ensemencé par la Révolution française, ce qui l'achemine peut-être vers la domination dont la volonté la tient debout depuis tant de siècles. Car la voilà seule devant le peuple. Les rois sont abattus, et puisque le peuple est libre désormais de se donner à qui bon lui semble, pourquoi ne se donnerait-il pas à elle? Le déchet certain que subit l'idée de liberté permet tous les espoirs. Sur le terrain économique, le parti libéral semble vaincu. Les travailleurs, mécontents de 89, se plaignent de leur misère aggravée, s'agitent, cherchent le bonheur désespérément. D'autre part, les régimes nouveaux ont accru la puissance internationale de l'Église. Les membres catholiques sont en nombre dans les parlements des républiques et des monarchies constitutionnelles. Toutes les circonstances paraissent donc favoriser cette extraordinaire fortune du catholicisme vieillissant, repris d'une vigueur de jeunesse. Jusqu'à la science qu'on accuse de banqueroute, ce qui sauve du ridicule le syllabus, trouble les intelligences, rouvre le champ illimité du mystère et de l'impossible. Et alors, on rappelle une prophétie qui a été faite, la papauté maîtresse de la terre, le jour où elle marcherait à la tête de la démocratie, après avoir réuni les églises schismatiques d'Orient à l'église catholique, apostolique et romaine. Les temps étaient sûrement venus, puisque le pape, donnant congé aux grands et aux riches de ce monde, laissait à l'exil les rois chassés du trône pour se remettre, comme Jésus, avec les travailleurs sans pain et les mendiants des routes. Encore peut-être quelques années de misère affreuse, d'inquiétantes confusions, d'effroyables dangers sociaux, et le peuple, le grand muet dont on a disposé jusqu'ici, parlera, retournera au berceau, l'Église unifiée de Rome, pour éviter la destruction menaçante des sociétés humaines. Et Pierre terminait son livre par une évocation passionnée de la Rome nouvelle, de la Rome spirituelle, qui régnerait bientôt sur les peuples réconciliés, fraternisant dans un autre âge d'or. Il y voyait même la fin des superstitions. Il s'était oublié, sans aucune attaque directe au dogme, jusqu'à faire le rêve du sentiment religieux élargi, affranchi des rites, tout entière à l'unique satisfaction de la charité humaine. Et, encore blessé de son voyage à Lourdes, il avait cédé au besoin de contenter son cœur. Cette superstition de Lourdes, si grossière, n'était-elle pas le symptôme exécrable d'une époque de trop de souffrance? Le jour où l'Évangile serait universellement répandu et pratiqué, les souffrances cesseraient d'aller chercher si loin, dans des conditions si tragiques, un soulagement illusoire. certains dès lors de trouver assistance, d'être consolés et guéris chez eux, dans leur maison, au milieu de leurs frères. Il y avait, à Lourdes, un déplacement de la fortune inique, un spectacle effroyable qui faisait douter de Dieu, une continuelle cause de combat qui disparaîtrait dans la société vraiment chrétienne de demain. Ah, cette société, cette communauté chrétienne, c'était au désir ardent de sa prochaine venue que toute l'œuvre aboutissait. Le christianisme, enfin redevenant la religion de justice et de vérité qu'il était, avant de s'être laissé conquérir par les riches et les puissants. Les petits et les pauvres régnant, se partageant les biens d'ici-bas, n'obéissant plus qu'à la loi égalitaire du travail. Le pape seul debout à la tête de la Fédération des peuples, souverain de paix, ayant la simple mission d'être la règle morale, le lien de charité et d'amour qui unit tous les êtres. Et n'était-ce pas la réalisation prochaine des promesses du Christ ? Les temps allaient s'accomplir. La société civile et la société religieuse se recouvriraient, si parfaitement qu'elles ne feraient plus qu'une. Et ce serait l'âge de triompher et de bonheur prédit par tous les prophètes. Plus de lutte possible, plus d'antagonisme entre le corps et l'âme. Un merveilleux équilibre qui tuerait le mal, qui mettrait sur la terre le royaume de Dieu. La Rome nouvelle, centre du monde, donnant au monde la religion nouvelle. Pierre sentit des larmes lui monter aux yeux. Et d'un geste inconscient, sans s'apercevoir qu'il étonnait les maigres Anglais et les Allemands trapus, défilant sur la terrasse, il ouvrit les bras. Il les tendit vers la Rome réelle, baignée d'un si beau soleil qui s'étendait à ses pieds. Serait-elle douce à son rêve ? Allait-il, comme il l'avait dit, trouver chez elle le remède à nos impatiences et à nos inquiétudes ? Le catholicisme pouvait-il se renouveler ? Revenir à l'esprit du christianisme primitif ? Être la religion de la démocratie ? La foi que le monde moderne bouleversé, en danger de mort, attend pour s'apaiser et vivre. Et il était plein de passions généreuses, plein de foi. Il revoyait le bon abbé Rose, pleurant d'émotion en lisant son livre. Il entendait le vicomte Philibert de Lachoux lui dire qu'un livre pareil valait une armée. Il se sentait surtout fort de l'approbation du cardinal Bergerot, cet apôtre de la charité inépuisable. Pourquoi donc la congrégation de l'index menaçait-elle son œuvre d'interdit ? Depuis 15 jours, depuis qu'on l'avait officieusement prévenu de venir à Rome, s'il voulait se défendre, il retournait cette question, sans pouvoir découvrir quelle page était visée. Toute lui paraissait brûlée du plus pur christianisme. Mais il arrivait, frémissant d'enthousiasme et de courage. Il avait hâte d'être aux genoux du pape, de se mettre sous son auguste protection, en lui disant qu'il n'avait pas écrit une ligne sans s'inspirer de son esprit, sans vouloir le triomphe de sa politique. Était-ce possible que l'on condamnât un livre où, très sincèrement, il croyait avoir exalté Léon XIII en l'aidant dans son œuvre d'unité chrétienne et d'universelle paix ? Un instant encore, Pierre resta debout contre le parapet. Depuis près d'une heure, il était là, ne parvenant pas à rassasier sa vue de la grandeur de Rome, qu'il aurait voulu posséder tout de suite dans l'inconnu qu'elle lui cachait. Oh, la saisir, la savoir, connaître à l'instant le mot vrai qu'il venait lui demander. C'était une expérience encore, après Lourdes, et plus grave, décisive, dont il sentait bien qu'il sortirait raffermi ou foudroyé à jamais. Il ne demandait plus la foi naïve et totale du petit enfant, mais la foi supérieure de l'intellectuel, s'élevant au-dessus des rites et des symboles, travaillant au plus grand bonheur possible de l'humanité, basée sur son besoin de certitude. Son cœur battait à ses tempes. Quelle serait la réponse de Rome? Le soleil avait grandi, les quartiers hauts se détachaient avec plus de vigueur sur les fonds incendiés. Au loin, les collines se doraient, devenaient de pourpre, tandis que les façades prochaines se précisaient, très claires, avec leurs milliers de fenêtres nettement découpées. Mais des vapeurs matinales flottaient encore. Des voiles légers semblaient monter des rues basses, noyant les sommets, où elles s'évaporaient dans le ciel ardent d'un bleu sans fin. Il crut un instant que le Palatin s'était effacé. Il en voyait à peine la sombre frange de cyprès, comme si la poussière même de ses ruines la cachait. Et le Quirinal surtout avait disparu. Le palais du roi semblait s'être reculé dans une brume, si peu important avec sa façade basse et plate, si vague au loin qu'il ne le distinguait plus. Tandis que, sur la gauche, au-dessus des arbres, le dôme de Saint-Pierre avait grandi encore, dans l'or limpide et net du soleil, tenant tout le ciel, dominant la ville entière. Ah ! La Rome de cette première rencontre, la Rome matinale, où, brûlant de la fièvre de l'arrivée, il n'avait pas même aperçu les quartiers neufs. De quel espoir illimité elle le soulevait, cette Rome qu'il croyait trouver la vivante, telle qu'il l'avait rêvée. Et par ce beau jour, pendant que, debout, dans sa mince soutane noire, il la contemplait ainsi, quel cri de prochaine rédemption lui paraissait monter des toits. Quelle promesse de paix universelle sortait de cette terre sacrée, deux fois reine du monde. C'était la troisième Rome, la Rome nouvelle, dont la paternelle tendresse, par-dessus les frontières, allait à tous les peuples pour les réunir, consoler, en une commune étreinte. Il la voyait, il l'entendait, si rajeunie, si douce d'enfance, sous le grand ciel pur, comme envolée dans la fraîcheur du matin, dans la candeur passionnée de son rêve. Enfin, Pierre s'arracha au spectacle sublime. La tête basse en plein soleil, le cocher et le cheval n'avaient pas bougé. Sur la banquette, la valise brûlait, chauffée par l'astre déjà lourd. Et il remonta dans la voiture en donnant de nouveau l'adresse « Via Giulia, Palazzo Boccanera ».